إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc hier on a commencé à expliquer un livre du Cheikh Rabi' حفظه الله Et le titre de ce livre, c'est « Al-Thabat ala al-Sunnah ». Et on a commencé à expliquer un petit peu les paroles du Cheikh à ce sujet. Et on va continuer à partir du point où on a laissé hier. Et c'était à partir du verset dans Surat Fussilat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que yani, ceux qui ont dit « Rabbun Allah »« Inna alladhina qalu Rabbun Allah »« Thumma staqamu »« Tatanazzalu alayhim al-malaika » ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Donc le Cheikh expliquait que quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit ألا تخافوا, c'est-à-dire ne craignez pas qu'est-ce qui va arriver dans les événements de Yom al-Qiyama, hein, les événements qui vont se produire au jour de la résurrection, tout ce qui va se produire par la suite du jugement, les balances, de passer sur le as-sirat et toutes les autres choses, yani, il ne faut pas avoir peur, yani, la seule chose qui est devant vous, c'est le paradis et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les anges viennent les raffermir à ce moment-là et leur dire qu'ils n'ont rien à craindre. Wala tahzanu, c'est-à-dire ne soyez pas tristes par rapport à qu'est-ce que vous avez laissé derrière de vos familles, de votre argent et de vos biens, etc. Il n'y a pas rien à craindre à ce sujet-là non plus et ne soyez pas tristes. Et donc le Cheikh il dit هذه بشائر تأتي الثابتين على دين الحق على دين الله الحق في هذا الظرف العصيب فهذه مرحلة خطيرة جدا فبعضهم قد تسوء خاتمته والعياذ بالله نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. Et le Cheikh donc il dit que ça c'est des bonnes nouvelles qui arrivent au moment de la mort, justement pour donner la bonne nouvelle à ceux qui ont été fermes sur la religion d'Allah de vérité dans ce moment qui est très difficile, au moment de la mort, parce que certains individus, certains parmi nous, hein, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de ça, mais parfois on a une mauvaise faim et donc il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir. Et le Cheikh maintenant il commence à expliquer un hadith justement qui doit mettre la crainte dans le cœur de chacun d'entre nous justement à ce sujet-là. Au sujet de حسن الخاتمة, d'avoir une bonne fin. Il dit كما جاء في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار متفق عليه هذا الحديث الذي نخاف منه الخوف الشديد من نهاية المطاف وخاتمة الحياة فلا بد للعبد أن يتضرع إلى الله أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى دائما أن يثبته على دينه وأن يتوفانا وهو راض عنا. Donc le Cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que un individu peut faire les actions des gens de l'enfer pendant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il reste uniquement une petite distance entre lui et l'enfer. Et puis, qu'est-ce qui a été écrit pour lui, prend le devant, et puis il commence à faire les actions des gens du paradis, puis il rentre au paradis. Et de même qu'un individu peut faire les actions des gens du paradis pendant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une petite distance, et puis qu'est-ce qui a été écrit pour lui, prend le devant, hein, et il commence à faire les actions des gens de l'enfer, puis il rentre en enfer. Donc, ça c'est un hadith, le cheikh dit ça c'est un hadith qui nous met la crainte dans le cœur, hein, et qui fait en sorte que, yani, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala avec toute notre humilité et toute notre soumission, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous garder sur la bonne fin, pour qu'on puisse terminer notre vie en faisant partie de ceux qui font les actions des gens du paradis, pour avoir une bonne terminer notre vie de la meilleure façon, pour avoir qu'est-ce qu'on appelle husnul khatima, pour terminer la vie d'une bonne manière. Parce que le plus important, c'est la terminaison. Comment tu termines ta vie? C'est pas comment tu as vécu durant toute ta vie. Si tu as vécu toute ta vie dans al-istiqama et dans la pratique de l'islam, puis qu'à la fin tu commences à faire n'importe quoi, puis tu meurs à ce moment-là, eh bien là, qu'est-ce qui va compter? C'est qu'est-ce que tu as fait à la fin, et non pas qu'est-ce que tu as fait durant tout le temps que tu vivais. Donc le cheikh, il dit, ce hadith-là, il nous met la crainte. Et c'est une crainte très dure, yani, c'est une grande crainte en fait. Et il mentionne ensuite qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse mourir alors qu'il est satisfait de nous. Dites Amin. Barakallahu fikum. Donc le cheikh, il dit, « Wa fil hadith al-akhar, man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa'ahu, wa man kariha لقاء الله كره الله لقاءه حدث بهذا الحديث أبو هريرة وحدثت به عائشة رضي الله عنها قالوا يا رسول الله كلنا يكره الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك أي ليس ذلكم ما تفهمون ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه وأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فيكره لقاء الله وكره الله لقاءه متفق عليه فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يشتاق إلى لقائه ويحب لقاء الله تبارك وتعالى وأن يكرمنا في هذه الظروف العصيبة بحسن الخاتمة أن يتحفنا بالبشائر الطيبة وهذا ثمرة للثبات على دين الله والاستقامة التي يرجع الفضل فيها إلى الله سبحانه لا إلى قلبك ولا عضلاتك ولا إلى شيء من هذا وإنما يرجع إلى رحمة الله وفضله ولطفه فنسأله أن يلطف بنا وأن يثبت قلوبنا على الحق وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Donc le cheikh il dit que dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui aime rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aime le rencontrer. Et celui qui déteste rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah déteste le rencontrer. Alors, ce hadith a été rapporté par Abu Hurayra, et il raconte ce hadith de la part de Aisha radiallahu anha, et Aisha radiallahu anha, elle demande ou elle dit au messager sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, lequel d'entre nous, yani, ne déteste pas la mort? Lequel d'entre nous n'a pas quelque chose dans son cœur contre la mort? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il répond à Aisha radiallahu anha et il lui dit, non, ce n'est pas de ça que je parle. Yani, ce n'est pas de ce genre de, yani, de fait de ne pas aimer la mort, ce n'est pas dans ce sens-là dont je parle. Mais c'est le croyant, lorsqu'il arrive au moment où il meurt, où la mort lui arrive, et on lui donne la belle annonce, ou la bonne annonce, de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à son sujet, et du fait qu'il est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala, alors à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui est plus aimé pour lui que de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala aime le rencontrer. Et donc, parce qu'il sait que Allah aime le rencontrer, il aime rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Tandis que le kafir, lorsqu'il meurt, eh bien, on lui annonce un châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une punition de sa part. Alors, il n'y a rien qu'il déteste plus que d'être devant ce châtiment-là. Et donc, il déteste rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ça. Et Allah déteste le rencontrer. Muttafaqun alayhi, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, le Cheikh, il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous faisons partie de ceux qui avons l'amour de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et on lui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner cet honneur, hein, et de nous donner cette possibilité, yani, justement, d'avoir cette satisfaction de sa part dans ces moments difficiles qui vont être à la fin de notre existence. Et on demande également à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'avoir ces bonnes nouvelles à ce moment-là. Et ça, c'est les fruits du fait de rester ferme sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se mettre droit. Et comme on a expliqué dans le cours passé, tout le mérite dans le fait qu'on reste ferme et dans le fait qu'on reste droit sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout le mérite de ça, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est une grâce de sa part. Ça ne revient pas à ton cœur, ça ne revient pas à tes muscles ou à ta force physique ou intellectuelle, mais ça revient à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire part de douceur envers nous et de raffermir nos cœurs sur la vérité. Amin. Donc, le Cheikh dit ensuite, « وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ الْجَنَّةِ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا واستقاموا في آيات كثيرة في السور المكية والمدنية. قال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالوعد بالجنة مذكور في كثير من السور والآيات. الجنة التي كنت توعد بها في القرآن وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم بسبب الثبات على الإسلام بسبب الاستقامة عليه أبشر بها. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الهدى وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة. Donc le Cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala à la fin des versets qu'on a récités dans surat Fussilat, la partie qu'on a expliquée hier, à la fin Allah subhanahu wa ta'ala dit que les anges en dernier ils annoncent à ces individus-là, hein, qui sont morts sur la foi, il leur annonce le paradis que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait promis. Et le Cheikh, il dit que ce paradis que Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, il l'a promis à ceux qui restent droits et qui restent fermes sur sa religion. Il est décrit dans plusieurs versets et dans plusieurs sourates du Coran qui ont été révélées à Mecca et d'autres qui ont été révélés à Al-Madinah. Donc, le Cheikh, il donne quelques exemples des versets qui parlent de la description du paradis. Et donc, il mentionne les versets 31 à 35 dans Surat Al-Naba. Inna lil muttaqina mafaza, pour les muttaqin. Al muttaqun, c'est quoi? C'est ceux qui ont at-taqwa. Et at-taqwa, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant ce qu'il nous ordonne et en s'écartant de ce qu'il nous a interdit. Donc, al-muttaqoon, Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet qu'ils auront mafaza, ça veut dire quoi? Qu'ils auront la réussite. Wa hada'iqa wa a'naba, ils seront dans des jardins et où il y a des vignes, des jardins et des vignes. Wa kawa'iba atraba, ils auront des femmes d'une jeunesse égale qui ont des seins ronds et fermes, c'est-à-dire qu'elles sont jeunes et elles n'ont pas eu, qu'est-ce qui arrive à la femme lorsqu'elle devient plus vieille ou lorsqu'elle a des enfants, ses seins qui tombent. Eh bien, ces femmes-là, non, dans le paradis, elles ont des seins qui sont fermes et qui sont, les signes de leur jeunesse et de leur beauté et de leur fraîcheur. Donc ça c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala il nous explique. Kawa'ib, c'est ça ce que ça signifie. C'est le pluriel de ka'ib. Et c'est là, si vous regardez dans n'importe quel dictionnaire arabe, vous allez voir la description que c'est des jeunes filles qui commencent à atteindre la puberté. Et lorsqu'elles sont jeunes, elles sont, avec la description que je vous ai donnée, et même si vous regardez dans la traduction en français, c'est la même traduction qui est donnée. Et donc c'est pour nous donner, un peu une image de qu'est-ce qui nous attend dans le paradis, hein. Tous parmi nous, on aime les femmes et on désire les femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, si vous restez dans qu'est-ce qui est halal dans cette dunya, et vous résistez les tentations de tomber dans le haram, il y a des femmes pour vous qu'on a préparées dans le Jannah qui sont plus belles et meilleures que toutes les femmes que vous pouvez imaginer dans cette dunya. Donc, contrôlez-vous, retenez-vous, et puis vous allez avoir une meilleure récompense. Hein? Et ensuite, il dit, « Wa ka'san dihaqa » et des coupes débordantes. Dans cette dunya, les gens, ils aiment l'alcool et les choses haram. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, si vous êtes patient et vous résistez de tomber dans ce qui est haram dans cette dunya, de ne pas boire de l'alcool et de vous contrôler de ce qui est haram, il y a dans le Jannah un alcool qui est meilleur, ou bien une boisson et des coupes débordantes, meilleur que tout ce que vous, qu'est-ce que vous pouvez imaginer dans cette dunya. Hein? Et elles ne vous font pas perdre la tête comme le vin qui est dans cette dunya. Tout ce que vous pouvez désirer dans cette dunya, vous l'avez dans Al-Akhira, mais en mieux. Hein? « La yasma'ouna fiha lagwan wala kizaba » et ils n'entendent aucune futilité ni mensonge. Donc ça c'est des descriptions du paradis. Et il mentionne un autre verset également dans surat Al-Imran, le verset 133 à 134, qui dit « Wa qala subhanahu wa ta'ala wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum » concurrencez vers un pardon de la part de votre Seigneur et un paradis dont la grandeur est les cieux et la terre qui a été préparé pour les muttaqin, pour les gens qui ont at-taqwa, c'est-à-dire qui font ce qui est ordonné pour eux et qui s'écartent de ce qui leur a été interdit. Hein? Et il les décrit, il dit c'est ceux qui dépensent de leurs biens dans l'aisance et dans la difficulté, et qui dominent leur rage quand ils sont en colère. Hein, ils ne se laissent pas aller dans la rage, ils se contrôlent. « وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ » et ils pardonnent quand des gens leur font du mal ou leur font du tort. Il faut faire en sorte, Inch'Allah, qu'on ait toutes ces caractéristiques-là si on veut faire partie de Al-Muttaqi et de ceux qui auront la récompense du Jannah. Le cheikh il dit, فَالْوَعْدُ بِالْجَنَّةِ, la promesse du paradis, elle est mentionnée dans plusieurs versets et dans plusieurs sourates. Et le paradis qui a été décrit dans le Coran et à la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la récompense que les gens vont recevoir à cause du fait qu'ils ont été fermes sur l'islam et sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah leur donne la bonne nouvelle. Vous savez que pour les chrétiens, tout ce qu'on a mentionné des descriptions du paradis, ça n'existe pas pour eux. Parce que pour eux, le paradis, c'est quelque chose uniquement spirituel. Il n'y a pas de plaisir physique ou charnel, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. On est des âmes qui flottent dans le vide. Et puis, ou bien, Annie, comme vous avez vu les dessins qu'ils font à Rome, les petits bébés avec les ailes dans le dos, ils pensent que c'est comme ça qu'on est dans le Jannah. Yani, ça n'a rien à voir avec le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis. Il nous a décrit ce paradis-là justement pour nous inciter à faire les hasanat, à faire le bien. De la même façon qu'il nous a expliqué et décrit l'enfer pour nous faire peur et pour nous expliquer qu'est-ce qui nous attend si on désobéit à ses ordres et de s'écarter de ce qui est haram. Donc ça c'est très important. Et après, le cheikh il dit, donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermer, nous-mêmes ainsi que vous-mêmes, sur la guidance, et qu'il nous donne al-istiqama. Amin. Le cheikh il dit, Wallahu subhanahu wa ta'ala qal fastaqim kama umirt, wa man taba ma'aka, wa la tatghaw, innahu bima ta'maluna basir. Amrun bil-istiqama. وقال سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنين الذين تابوا إلى الله وأنابوا إليه والتزموا صراطه المستقيم وثبتوا على دينه أمرهم بالاستقامة عليه والاستقامة هي الثبات كما أمرك الله تلتزم بالعقيدة التي أمرك الله بالتزامها تلتزم بالأوامر كلها التي أمرك الله بها وتجتنب النواهي التي نهاك الله عنها وحرمها عليك donc le cheikh il dit. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 112 dans sourate Hud, fastaqim. Ça c'est aussi encore un commandement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir al-istiqama. Fastaqim, c'est le verbe impératif de al-istiqama, c'est-à-dire mets-toi sur la droiture, sois droit. Fastaqim kama umirt, comme on te l'a commandé. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ainsi que celui qui s'est repenti avec toi. وَلَا تَطْرَوْ et ne transgresse pas, ne dépasse pas la limite. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ il voit ce que tu fais. Et ça c'est un commandement, comme le cheikh dit, c'est un commandement d'avoir l'istiqama et de se mettre droit. Ensuite, il mentionne le verset 113, le verset qui suit. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا hein, et ne penchez pas vers les injustes ou les gens qui font le zulm, parce que sinon le feu va vous atteindre. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا et vous n'avez pas de protecteur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous ne serez pas non plus secouru. Si vous cherchez des protecteurs en dehors d'Allah, vous ne serez pas secouru. Et donc ça c'est un commandement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à son messager sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'aux gens qui sont avec lui parmi les mu'minines et qui le suivent, qui se sont repentis à Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont retournés vers lui en repentance, de rester sur le droit chemin, sirat al-mustaqim. Hein? Et ceux qui se sont accrochés fermement à sa religion, il leur ordonne d'avoir al-istiqama, et al-istiqama c'est d'être ferme sur les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, de t'accrocher à la aqida, à la croyance que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de suivre, et de t'accrocher aux commandements et aux ordres que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, de t'écarter de ce qu'il t'a interdit de faire et de ce qu'il t'a déclaré comme étant haram, tout en écart. فالقرآن فيه جوامع الكلمة الواحدة تحتها معان وهذه الآية منها وتلك الآيات منها فهذا توجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين إلى يوم القيامة أن يستقيموا على دين الله الذي أمرهم به فلا يحيدون عنه يمنة ولا يسرى ولا يزيغون عن هذا الأمر الشامل لكل التشريعات والعقائد والأحكام ولا تطغوا الطغيان هو مجاوزة الحد ولا تطغوا لا بغلو في الدين ولا في غيره ولا بظلم ففيه محاربة كل صنوف الطغيان من الظلم والتعدي والتعدي لحدود الله من أفظع أنواع الظلم فشرائع الله محددة والعقائد محددة والأوامر محددة مضبوطة وكل شيء مضبوط ويأتي أحدهم يزيد من عنده فهذا طغيان. Donc le cheikh il dit que le Coran, dans le Coran il y a jawami'ul kalim. Qu'est-ce que ça veut dire jawami'ul kalim? Ça veut dire que il y a des mots qui sont très courts, qui sont peu, mais qui contiennent beaucoup de significations. À partir de quelques mots, hein, tu les vois, mais tu peux sortir de ces mots-là plein de significations. Hein? Et c'est ça, jawami'ul kalim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une de ses spécificités. Il a reçu Jawami al Kalim. Et donc ces versets-là qu'on a récités et ces paroles-là qu'on a récitées font partie de ces paroles qui sont parmi les Jawami al Kalim. Après, le Cheikh il dit donc ça c'est une orientation de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam pour les croyants jusqu'au jour de la résurrection pour qu'ils restent sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils restent fermes sur les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour pas qu'il tourne ni à gauche ni à droite, et pour pas qu'il dévie de l'ordre total et complet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'ordre d'Allah dans toutes ses législations, dans toutes ses révélations, dans les croyances et dans les règles, on doit rester sur la droiture et sur les ordres d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset wala tatraw, et wala tatraw c'est encore une interdiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire qu'est-ce qui s'appelle en arabe at-tughyan. Et at-tughyan c'est-à-dire de dépasser la limite. Ok? Voilà tatraw, hein. Vous entendez le mot tarout. Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il nous interdit d'adorer le tarout. Hein. Eh bien, voilà tatraw, c'est-à-dire de ne pas transgresser. Et at-tarout, les ulama, ils ont expliqué que c'est toute chose qui a dépassé sa limite. Hein. Que les gens adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les idoles, comme le shaytan, etc. Donc ça c'est un exemple de ce mot-là, at-tughyan. Et Allah nous dit, voilà, tatraw, ne transgressez pas et ne dépassez pas la limite. Ne transgressez pas ni dans la religion, ni dans autre que la religion. Et ne transgressez pas d'aucune façon, ni par de l'injustice ou autre. Donc il y a dans cette interdiction-là de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, une déclaration de l'opposition ou de faire la guerre à toutes les catégories de transgression, d'injustice et de dépassement des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le cheikh il dit que de transgresser les limites d'Allah, c'est la plus grande injustice qui soit. Il n'y a pas d'autre injustice en réalité que le fait de dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, il y a des individus aujourd'hui, à notre époque, qui s'imaginent que la justice, c'est de transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que c'est le contraire. L'injustice, c'est de dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est injuste. Et c'est ça qui amène l'injustice. Les gens pensent qu'en suivant les règles d'Allah, on fait de l'injustice, alors que c'est le contraire. Donc, il faut pas transgresser les limites d'Allah, et c'est pas seulement les limites d'Allah dans les règles de la charia, mais aussi de transgresser les règles, de ne pas transgresser les règles d'Allah dans la croyance aussi. Et ça c'est le plus important. Parce que de transgresser les règles d'Allah dans la croyance, c'est ce qui amène aux autres formes d'extrémisme et aux autres formes de dépassement dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il dit que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est limitée, elle est claire, elle est délimitée par des règles et par des limites. Les croyances également, elles sont bien spécifiques et bien précises. elles ont des règles claires. Et donc, on n'a pas le droit de rajouter quoi que ce soit dedans. Donc, toi, tu viens de toi-même, tu veux rajouter des choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est de la transgression. Le cheikh, il dit, hada tughyan. Et il explique, il dit, la tazid, illa fi hududi ma shara Allah lak, min al nawafil. Wa hatta al nawafil, nafsaha, la tazid fiha. Al salatu, khamsun, la tazidu sadisa. الظهر أربعا لا تزيد خامسة لا تزيد سادسة ولا تزيد سجدة ولا أي شيء لا تزيد في العبادات فقد حددها الله وحدد الرسول حددها الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يقوم وينام يصوم ويفطر فلما اشتدت رغبة بعض الصحابة رضي الله عنهم في الزيادة في العبادة سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله فقالوا إنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الثاني وأنا أصوم ولا أفطر وقال الآخر وأنا لا أتزوج النساء فأغضب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني متفق عليه Donc le cheikh il dit ne rajoute rien dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala excepté dans les limites de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré parmi les adorations qui font partie des nawafil, c'est-à-dire des actes surérogatoires qu'on peut faire qui sont en dehors de ce qui est obligatoire dans la religion. Et même dans les surérogatoires, même dans les choses qui ne sont pas obligatoires, ne rajoute pas des choses de toi-même. Hein? Le cheikh il dit, la prière, c'est 5 prières par jour qu'on a à faire. As-salawat, hein? As-salat khams. Ne rajoute pas une sixième. On peut pas, même si tu dis moi je veux faire plus de ibadat et je veux devenir meilleur, donc tu veux faire une sixième, non ça c'est pas permis. Al-Zuhur c'est 4 rak'as, tu peux pas rajouter une rak'as puis faire 5 rak'as, même si tu dis je veux faire plus de ibadat et je veux être plus parmi les gens qui font plus de salat ou plus de bien, ça c'est des innovations, hein. Et ne rajoute pas une sixième, et ne rajoute pas une prosternation. Je dis, on fait seulement 2 prosternations dans chaque rak'at. Ce serait bien si on ferait 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou plus, pour être plus proche d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Non. Ça, c'est des innovations. Ça, c'est pas permis. Hein? Ne rajoute rien dans les adorations parce qu'elles ont été délimitées et déterminées par Allah, subhanahu wa ta'ala, et par le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il priait la nuit, et parfois il dormait. Ou bien il priait une partie de la nuit, puis il dormait une partie de la nuit. Et parfois il jeûne, et des fois il jeûne pas. Et il y a des sahabas qui ont entendu ça, parmi les sahabas du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont voulu augmenter leur adoration, alors ils sont allés voir les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour demander au sujet de l'adoration du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit puisque c'est comme ça et puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il adore Allah de cette manière, nous on doit faire plus. Donc il y en a un qui a dit moi je ne vais pas dormir la nuit, je vais prier toutes les nuits. L'autre, il a dit, moi, je vais jeûner tout le temps, je ne vais jamais briser mon jeûne. Tous les jours, je vais jeûner. Et l'autre, il a dit, moi, je ne vais jamais épouser de femme. Je vais rester célibataire toute ma vie. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu ça, et il s'est mis en colère, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, j'ai entendu que telle ou telle personne ont dit des choses au sujet de mon adoration. Moi, je prie parfois la nuit, je me lève. Et des fois je jeûne et des fois je jeûne pas. Et j'épouse les femmes. Celui qui s'écarte de ma sunna, ou celui qui laisse ma sunna, il n'est pas de moi. Hein? Donc le cheikh il a rapporté ce hadith qui est muttafaq alayh, rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Le cheikh il dit ensuite, فَالَّذِي يَقُومُ اللَّيْلِ وَيَصُومُ النَّهَارِ يَضِيعُ حُقُوقًا كَثِيرًا ثُمَّ فِي النَّهَارِ يَفْشَلْ وَيَتَحَسَّرْ ويضعف وقد ينتكس نتيجة لغلوه. الصحابة الذين كانت لديهم هذه الرغبة تراجعوا ما أسرعهم للاستجابة، ولكن كثيرا من الناس إذا وقع في خطأ ووقع في غلو ووقع في شيء فلا يرجع عياذا بالله، وهذا بلاء مهلك، نسأل الله العافية. Le cheikh il dit, donc celui qui prie la nuit, toute la nuit, et qui jeûne tous les jours, il y a beaucoup des droits des personnes qui sont perdues de sa part. Il ne peut pas respecter les droits des gens qui sont autour de lui, parce qu'il est trop fatigué le jour. Hein? Et il, étant donné qu'il jeûne tout le temps, il est faible, donc il ne peut pas remplir toutes ses obligations et respecter le droit de tout le monde. Donc il perd beaucoup des droits des gens, et peut-être qu'il va échouer dans plusieurs de ses obligations dans la dunya également, à cause de son extrémisme, ça peut retourner contre lui. Hein? Et les sahaba, radiallahu anhum, qui ont voulu augmenter leur ibadah, quand ils ont entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire ces paroles, ils sont revenus automatiquement. Ils ont laissé tomber ces idées, qu'est-ce qu'ils voulaient faire tout de suite. Comme le cheikh il dit, « Ma asra'uhum lil istijaba » C'est-à-dire, comment ils sont rapides à revenir sur la vérité lorsqu'on leur indique la vérité. Ils ne restent pas sur leur erreur à continuer à faire ce qu'ils faisaient ou à dire ce qu'ils disaient ou à penser ce qu'ils pensaient. Automatiquement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur indique une erreur ou leur dit quelque chose qu'ils faisaient qui n'était pas correct, automatiquement ils reviennent. Ils abandonnent qu'est-ce qu'ils faisaient et puis ils reviennent à la vérité. Mais aujourd'hui, malheureusement, lorsque des gens tombent dans des erreurs pareilles, ils ne reviennent pas et ils continuent dans leurs erreurs. Hein? Ils ne reviennent pas à la vérité, que Allah nous protège d'une telle chose, wal'iyadu billah. Hein? Et ça c'est un malheur qui fait périr beaucoup de gens, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en épargner. Amin. Le cheikh il dit ensuite, wala tatraw, la tatra ala al-nas, la ta'tadi alayhim fi a'radihim, wala fi amwalihim, wala fi arwahihim, ولا في شيء مما حرم الله تبارك وتعالى ولا تخل بحقوق الأقربين ولا الأبعدين هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى إنه بما تعملون بصير رقابة دقيقة من الله سبحانه وتعالى يحصي مثاقيل الذر من الأعمال الصالحة والطالحة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Le cheikh il dit, ne transgresse pas. Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de ne pas transgresser. Il nous interdit la transgression. C'est-à-dire ne transgresse pas contre les gens. Ne dépasse pas la limite à leur sujet en attaquant leur honneur, en parlant sur leur honneur, en prenant leur bien ou en prenant leur vie, ou en faisant quoi que ce soit de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit des droits des individus. Ne dépasse pas la limite de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit par rapport aux hommes. Et ne sois pas de ceux qui manquent, qui ont des manquements dans les droits que ces gens-là ont sur eux, que ce soit des proches ou des gens éloignés. Respecte les droits de ces individus et de ces gens qui font partie de ta famille ou qui font partie des étrangers parmi les hommes. Et ça c'est un avertissement. C'est un avertissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu bima ta'maluna basir. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il termine ce verset en disant Innahu bima ta'maluna basir. Basir, ça veut dire il voit ce que vous faites. pourquoi il mentionne ça à la fin de ce verset? C'est-à-dire, il regarde. Pensez pas qu'il vous voit, qu'il ne vous voit pas. Pensez pas qu'on peut se cacher de Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaykh, il dit, c'est une riqaba daqiqa. Hein? C'est une supervision précise et détaillée. Hein? Il regarde tout ce que tu fais au moindre détail. Le shaykh, il dit, même la tombe de bien ou la tombe de mal que tu fais, il le calcule dans la balance. Donc, il n'y a rien qui est laissé. Et il mentionne le verset 7 et 8 dans Surah Al-Zalzala. Il dit, et celui qui fait une atome de bien, il le verra. Et celui qui fait une atome de mal, il le verra. Hein? Donc, le shaykh dit, فالمؤمن يكون دائما حذرا مراقبا لله سبحانه وتعالى يؤدي الأعمال الصالحة وهو مراقب لله يخاف أن يكون فيها رياء فيها حب السمعة فيها أشياء فيهلك والعياذ بالله ويخاف من المعاصي ويخاف من البدع لأن الله يراقبه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Le cheikh il dit donc que le croyant il doit toujours faire attention parce que Allah subhanahu wa ta'ala est toujours en train de le surveiller. Allah subhanahu wa ta'ala il te surveille à chaque instant. Quand tu fais tes bonnes œuvres, rappelle-toi que Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de te regarder et il t'observe en train de faire ces adorations là. Donc le croyant il a peur que dans ses actions il y ait un peu d'ostentation, de la fierté, du fait de vouloir que les gens le regardent ou que les gens l'écoutent et qu'ils perdent la valeur de ses actions à cause de ça et qu'ils périssent wal'iyadu billah à cause de ça. Et il craint également de tomber dans qu'est-ce qui est interdit dans les péchés et il craint également les innovations et les bédas. Parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala le surveille et le regarde et qu'il est témoin de toutes choses, comme il le dit dans Al-Mujadala, le verset 6. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Allah est témoin de toutes choses. Hein? Même quand il n'y a personne qui est témoin autour de nous, hein? Ici c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? S'il n'y a pas de témoin sur le lieu du crime, tu peux t'en sortir, mais Allah, il est toujours témoin. Donc, même quand il n'y a pas de témoin, il y a un témoin, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le shaykh, il dit, ensuite, il cite le verset 7 dans Surah Al-Mujadala, ne vois-tu pas que Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Il n'y a pas de conversations secrètes qui sont faites entre trois personnes, excepté qui est le quatrième. Ni entre cinq, excepté qu'il est le sixième, ni moins ni plus, excepté qu'il est avec eux à ce moment-là lorsqu'ils discutent. Puis il va les informer au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala a la science et il connaît toutes choses. Hein? Donc c'est-à-dire que peu importe qu'on soit en train de discuter une discussion secrète entre deux ou trois ou quatre ou plus ou moins, hein, et on est en train de discuter de différentes choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait de qu'est-ce qu'on est en train de discuter, et au jour de la résurrection, il va nous informer de ça. Donc, c'est-à-dire d'avoir la conviction dans notre cœur que Allah subhanahu wa ta'ala, il est témoin de nous. Et ça, c'est pas juste des choses qu'on doit comprendre et yani de dire, oui, je reconnais ces choses. Mais il faut croire et agir selon cette croyance pour montrer qu'on a réellement compris et qu'on est réellement convaincu des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de les appliquer. Quand on apprend l'asma wa sifat, quand on apprend tawhid al-asma wa sifat, c'est pas seulement pour dire que on a compris la bonne croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'ah, par rapport à ça, par rapport à ceux qui ont dévié dans ces questions-là, mais c'est pour les comprendre et pour vivre selon ces noms et ces attributs-là, et pour les appliquer dans notre vie, de savoir qu'Allah il nous regarde, de savoir qu'il est témoin de ce qu'on fait, et d'agir selon cette croyance, lorsqu'on l'a appris, et qu'on a cru en ça, et bien de l'appliquer. Et de l'appliquer, ça implique que, justement, quand tu sais qu'Allah te voit, tu agis en conséquence. Quand tu sais qu'Allah il t'entend, et bien tu agis en conséquence aussi. Et ainsi de suite pour les autres noms et les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh il dit, تبارك وتعالى على كل شيء شهيد على كل شيء رقيب بما نعمل بصير سبحانه وتعالى فالمؤمن يجب أن يستحضر هذا الأمر مراقبة الله وأن الله بكل شيء بصير وسميع وأن الله محيط بكل شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فلا تخفى عليه خافية ومن وفقه الله ورزقه مثل هذه الحال الطيبة فإن هذا من علامات ثباته إن شاء الله وعلامات استقامته هذا من العلامات والبشائر أن المؤمن على ثبات واستقامة إن شاء الله ولكن لا يكل ولا يمل من اللجوء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال ويكثر منه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك كيف نأمن أن ينحرف الإنسان ويزيغ قلبه والله ما يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن فينبغي أن نخاف الله سبحانه وتعالى ولكن لا يطغى على هذا الخوف لا يطغى هذا الخوف فيكون خوف ورجاء متوازيان حتى يحضر الموت فحينئذ يغلب المؤمن الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لشيخ الزي. Donc Allah il est témoin de toutes choses et il est proche et il nous surveille et également il voit ce que nous faisons. Et donc le mu'min il doit toujours se rappeler de ces choses-là et avoir ça, hein, la conscience que Allah subhanahu wa ta'ala l'observe et le regarde et que Allah subhanahu wa ta'ala il voit tout et il entend tout et qu'il enveloppe toutes choses de sa science. Et il connaît l'œil qui trahit, et il connaît également ce que cachent les poitrines, et il n'y a rien qui lui échappe de quoi que ce soit dans l'univers. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le succès de comprendre et d'avoir ces états et cette situation et cet état dans sa foi, et bien ça c'est un des signes que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné à Sabbat, lui a donné la fermeté dans sa foi et dans sa religion, Inch'Allah. Et ça fait partie des signes qu'il s'est mis sur la droiture, et ça fait partie des signes et des bonnes annonces du croyant, qu'il est ferme sur la religion d'Allah, Inch'Allah. Mais il ne doit pas s'en remettre à lui-même et penser que ça y est, hein, il est protégé ou il est sauvé. Et il ne doit pas perdre patience et, il se laisse aller, yani, il devient comme il sent. Et à force de pratiquer, c'est ça qui est arrivé à beaucoup de personnes, ils sont restés longtemps, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des gens du livre, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَلُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Les gens du livre, ils ont trouvé le temps long, alors leur cœur est devenu dur. Il y a des gens comme ça, des fois parmi nous, hein, on est resté longtemps, on est bien, ça fait 20 ans que je suis salafi, hein, mon manhaj lui ferme et tout, et donc ils trouvent le temps long, ils commencent à avoir le cœur dur des fois à cause de justement l'insouciance qu'il développe dans son cœur parce qu'il ne la fait pas revivre constamment. Hein? Donc ça c'est très important de toujours revivifier notre iman, revivifier notre foi, de se remettre en question, de toujours se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est témoin sur nous et sur nos cœurs et sur ce qu'on dit et sur ce qu'on fait. Donc tu dois toujours te sentir humble devant Allah, pas prendre les choses pour acquis, de dire ça y est, moi je suis guidé, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je suis sur la voie et que je suis sur le bon chemin et que je suis salafi sur la voie de la sunna. C'est pas une attitude qu'on doit avoir. Au contraire, l'attitude c'est de toujours avoir peur de s'égarer, toujours avoir peur de dévier du droit chemin, de se sentir humble et petit devant Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander de continuer à nous guider, de nous garder sur la droiture et sur le droit chemin. Hein? Parce que comment on pourrait pas être dans cette d'agir de cette manière alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était toujours en train de répéter: oh toi, celui qui fait tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc si c'est le cas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que dire de l'un d'entre nous? Hein? On devrait toujours, le cheikh il dit, comment tu peux te sentir en sécurité que ton cœur dévie et que ton cœur soit dans la déviation? Il faut pas se sentir en sécurité de ça. Et le cheikh il dit, la seule personne qui se sent en sécurité à ce sujet-là, c'est le munafiq, c'est l'hypocrite. La seule personne qui se sent en sécurité de la déviation et de l'égarement, ou de tomber dans le mal, ou dans une forme de déviation dans son cœur, c'est le munafiq. Il se sent en sécurité, lui. Et c'est uniquement le croyant qui a peur de cette chose-là. Donc, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne faut pas exagérer dans cette crainte non plus, et tomber dans l'extrême. Hein? Comme les khawarij, et les gens qui ont dévié à ce sujet-là, ils ont trop eu de crainte, et ils sont tombés dans l'extrême. Et les autres, ils ont eu trop d'espoir, ils ont laissé tomber la crainte, et ils sont tombés dans le haram, et ils ont fait tout ce qu'ils voulaient par la suite, comme les soufis, comme les murji'a. Hein? Ils laissent tomber la crainte complètement. Et les autres, ils laissent tomber l'espoir complètement en la miséricorde d'Allah. Donc ça, c'est les deux extrêmes, où on doit être entre les deux. Sauf au moment de la mort, on met plus de poids sur l'aspect de l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et l'espoir en sa miséricorde et en son pardon au moment de la mort. Hein? Et on pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là en particulier, et à tous les moments également, mais à ce moment-là plus encore. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme dans le verset qu'on a lu, ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الميل إلى أهل الظلم الذين يظلمون الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم أو يظلمونهم في دينهم بالبدع والضلالات وبث الدعايات الخطيرة ضد الإسلام وما شاكل ذلك. ولا تركن إلى أحد من هؤلاء ولا تنصره ولا تساعده على باطنه. الآية تشمل كل هذه الأنواع. كل مبطل ظالم، كل مبتدع ظالم، كل منتهك لحرمات المسلمين الظالم. فلا تركن إلى أحد من هؤلاء فتمسك النار، لأنك لا تركن إلى الفاسق. لما تركن إلى الفاسق، إلى المبتدع الضال، إلى الظالم المجرم المنتهك لحرمات الناس وحرمات الشريعة، تكون كأنك راض وكأنك مساعد ومؤيد. فليحذر المؤمن من الوقوع في هذا الركون في هذا الركون المهلك. للشيخ الزي ne penche pas vers ceux qui font de l'injustice, sinon le feu va t'atteindre, le feu d'Allah subhanahu wa ta'ala t'atteindra, et ils n'auront en dehors d'Allah aucun protecteur, vous n'avez en dehors d'Allah aucun protecteur, et vous ne serez pas secourus également. Donc le fait de pencher vers les gens qui font de l'injustice, qui font du tort et de l'injustice aux gens, dans leur sang, dans leur bien, dans leurs honneurs, ou qui font de l'injustice aux gens dans leur religion, par les innovations, les bédas, par les égarements qu'ils diffusent et qu'ils propagent, des propagandes dangereuses et mauvaises contre l'islam, toutes ces choses-là sont incluses dans l'injustice et dans le fait de ne pas se pencher vers les gens qui font de l'injustice. Ne te penche vers aucun de ceux qui font ces genres de choses et ne lui viens pas en aide. Ne le secours pas, ne le viens pas en aide dans son mensonge ou dans sa fausseté. Donc le verset qu'on a cité, il inclut toutes ces catégories-là. Des fois on entend un verset qui nous dit ne pas faire d'injustice et on s'imagine que c'est juste des choses qui ont rapport avec de l'injustice dans les choses de la dunya. Ça inclut toutes ces affaires-là, dans le bien, dans les sens d'un individu, dans son bien, dans ses biens, dans son honneur, et dans la religion également, et dans les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le verset, il comprend toutes ces catégories-là. Toute personne qui appelle à quelque chose de faux est une injustice. Toute personne qui amène des innovations, c'est un injuste. Toute personne qui transgresse et qui touche à ce qui est haram, qu'est-ce qui appartient aux musulmans, que ce soit qui touche au sang des musulmans, ou à leur honneur, ou à leur bien, ça c'est un injuste aussi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ne penchez vers aucun d'entre ceux-là, sinon le feu va vous toucher. Et le cheikh, il dit, parce que lorsque tu te penches vers l'un d'entre eux, et que tu lui viens en aide, et que tu le supportes, hein, eh bien, qu'est-ce que ça fait en réalité que c'est comme si tu es en train de l'aider là-dedans, donc tu es un complice. C'est comme si tu es une sorte de complice dans ce que cette personne l'a fait. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de musulmans, parfois qui ne comprennent pas le fait qu'on ne doit pas supporter et venir en aide à quelqu'un qui fait de l'injustice. Même si nous-mêmes on ne fait pas l'injustice, mais le fait d'être d'accord et de supporter les gens qui font l'injustice, on devient des complices de ceux qui font l'injustice. Hein? Que ce soit du shirk, parce que le shirk c'est la plus grande forme d'injustice. Inna shirka la zulmun azim. Toi tu ne fais pas de shirk. Tu n'adores pas d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu supportes les gens qui font le shirk et tu les aides et tu les défends quand on les critique. Même si tu ne le fais pas toi-même, tu es avec eux. Tu es un complice parce que tu les aides. Et la même chose pour les gens de bid'a. Toi, tu ne fais pas aucune bid'a. Mais tu te fâches pour les gens qui font des bid'a quand on les critique. Tu les défends. Hein? Tu essaies de les protéger et des choses de ce genre. Donc ça c'est tu ne fais pas de bid'a toi-même, mais tu défends les gens qui font les bid'a. Donc tu es un complice. Tu ne fais pas de crime. Hein? Tu ne voles pas, tu ne fais pas de choses haram. Mais tu défends les gens qui volent, tu défends les gens qui font des crimes et des choses illégales, tu es un complice. Donc c'est pas seulement de ne pas faire le haram, ou de ne pas faire les bid'a, ou de ne pas faire le shirk soi-même, mais c'est de ne pas pencher vers ceux qui le font, et de ne pas les supporter, et de ne pas les défendre. Donc c'est pas seulement cet aspect-là que les gens ont aujourd'hui, de dire « moi je fais pas de mal à personne », mais tous les gens qui font les choses contraires à l'islam, il les défend et il les aime et il les aide dans ce qu'ils font. Ça c'est quelque chose qui est incorrect, contraire à l'islam, parce que tu aides ces gens-là. Donc le mu'min, il doit faire attention de tomber dans cette forme de ar-rukun, de fait de pencher vers ces gens-là et de les aider et de les supporter, parce que ça c'est quelque chose qui t'amène à ta perte. Et le cheikh il dit ensuite dans Sourate al-Isra, le verset 74 et 75, قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم شيئا قليلا. Hein? Donc le cheikh il dit, le verset 74-75 dans Sourate al-Isra, et ne penchez pas vers ceux, non, mais si nous ne serions pas, tu aurais bien failli pencher quelque peu, yani, quelque peu dans qu'est-ce qu'ils veulent te faire tomber, yani, dans les choses dans lesquelles ils veulent t'amener. Si on ne t'avait pas raffermé, tu aurais bien failli, hein, si nous ne t'aurions pas raffermi, tu aurais bien failli pencher un peu dans quelque chose de ce qu'il voulait te faire accepter. Et si tu avais fait une chose pareille, on t'aurait fait goûter le double du supplice dans la vie et le double du supplice dans la mort, et tu n'aurais pas trouvé de protecteur contre nous et de défenseur contre nous. C'est-à-dire d'accepter un petit peu de ce que les mouchriquins ou de ce que les koufars ou de ce que les gens de l'injustice veulent te faire accepter. C'est pas d'accepter toutes leurs idées au complet, ou toutes leurs paroles, ou toutes leurs actions au complet, juste un peu te faire dévier dans la voie que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de suivre. Et ça, c'est adressé au messager sallallahu alayhi wa sallam, que les gens ont essayé, les mouchriquins ont essayé de le faire pencher un peu vers eux. Pas beaucoup, pas dans plein de choses, juste un petit peu, dans quelque chose seulement de la religion. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il avertit le messager de ne pas les écouter, de ne pas les obéir, de ne pas les suivre dans, même dans une petite partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Ensuite, le cheikh, il dit, فَلْيَحْذَرْ الْمُؤْمِنْ مِنْ هَذَا الرُّكُونَ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ أَسْبَابِ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ عِيَاذًا بِاللَّهِ تَعَالَى فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره قالوا أجل قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا قال أنت لله أبوك قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا أي فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دام السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء رواه مسلم في صحيحه وغيره. Donc ça c'est le hadith que le cheikh a mentionné. En fait, il dit le cheikh, il faut donc que le croyant fasse attention de ne pas pencher dans quoi que ce soit de sa religion vers les injustes, et parce que ça peut être une des causes de ta déviation et de ton égarement. والعياذ بالله. Et Allah nous en protège. Et il mentionne le verset 5 dans As-Saf, surat As-Saf. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. Et Allah ne guide pas les peuples pervers. Et selon Hudhayfa, radiallahu anhu, il a dit, nous étions auprès de Omar, radiallahu anhu, et Omar a dit, lequel d'entre vous a entendu la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne les épreuves et les fitanes? Alors, certains parmi les gens ont dit, on l'a entendu, nous l'avons entendu. Et il a dit, probablement que vous voulez dire la fitna de l'homme avec sa famille et ses voisins. Et ils ont dit, certes, c'est de ce hadith-là qu'on a entendu parler. Et Omar, radiallahu anhu, a dit, celle-là, elle est effacée par la salat, par le jeûne et par la sadaqa. Cette fitna, elle est effacée. Les problèmes que tu as avec ta famille et tes voisins, elle est expiée par tes jeûnes et tes bonnes actions. Après, il a dit, mais lequel d'entre vous a entendu la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne la fitna qui vient comme les vagues de l'océan, une après l'autre. Alors Hudhayfa a dit, les gens se sont tus, plus personne n'a rien dit. Et Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, a dit, moi, c'est-à-dire moi je l'ai entendu. Alors Omar ibn al-Khattab lui a dit, alors mentionne-nous, laisse-nous entendre ce hadith. Alors Hudhayfa, radiallahu anhu, a dit, j'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam, qui disait que les épreuves et les fitanes, les tribulations, vont venir sur les cœurs, comme un paillasson. Vous connaissez les nattes comme les tapis de paille, chaque brindille qui vient une après l'autre, qui sont attachées une en arrière de l'autre, et bien c'est de cette manière-là que la fitna elle vient. Oudan ouda, une après l'autre. C'est des fitnas qui viennent une derrière l'autre. Hein? S'il y a un cœur qui l'absorbe, elle rentre dans le cœur et puis elle met dans le cœur un point noir. Elle met sur le cœur un point noir. Et celui qui la rejette et qui ne l'accepte pas dans son cœur, eh bien, ça fait un point blanc sur son cœur. Et donc, il devient soit un des deux cœurs à la fin, soit qu'il devient tout blanc, pur, ou bien il devient noir, complètement noir. Et il dit, soit qu'il devient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soit qu'il devient blanc et pur, et qu'aucune fitna ne peut le nuire tant qu'il y a les cieux et la terre, ou bien qu'il devient noir et qu'il devient comme une coupe, comme ce verre, si on le met à l'envers. Hein, là il y a de l'eau dedans, je ne peux pas le renverser, mais c'est comme ce verre, si on le met à l'envers, tu essaies de mettre de l'eau dedans, ça tombe. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le cœur quand il devient comme ça, il ne peut plus reconnaître qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Le mal, il ne peut pas le dénoncer, le rejeter, et le bien ne peut pas le reconnaître. Et c'est ça ce qui arrive quand les gens tombent dans les péchés et dans la fitna et dans les choses comme ça. Leur cœur, à force de faire trop de péchés et d'accepter les fitanes et tout, ils ne peuvent plus distinguer entre qu'est-ce qui est ma'rouf et qu'est-ce qui est munkar. Et leur cœur devient renversé. Et donc ça c'est, c'est-à-dire le cheikh dit « Illa man ushriba min hawa » accepter ce qui est en accord avec sa passion. C'est-à-dire s'il va reconnaître quelque chose de bien, il l'accepte pas parce que c'est la vérité, parce que c'est le haq. Il l'accepte parce que c'est en accord avec sa passion. C'est tout. Et ça c'est rapporté par Muslim dans son sahih. Et le cheikh il note ça et il dit « Ala abyadin misla safa » فلا تدوره فتنة ما دامت السماوات والأرض بتثبيت من الله سبحانه وتعالى يثبت الله سبحانه وتعالى بسبب رفضه للباطل ورفضه للشبهات ورفضه للشهوات وللشبهات فإن الفتنة قد تكون دنيوية فتنة الشهوات وتهلك وقد تكون فتنة الشبهات وبدع وضلالات وما شاكل ذلك فتؤدي بصاحبها إلى ما ذكر في الحديث والآخر أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا هذا بدايته الركون إلى أهل الباطل ومساعدتهم تبدأ نكتة سوداء تتسع كلما مال إلى الباطل وكلما جار المبطلين والمضلين إلى أن ينتكس قلبه والعياذ بالله فيصير كالكوز مجخيا إذا طلب على رأسه تفرع عليه مياه الدنيا كلها فلا تدخل فيه فترة يصير قلبه هكذا تقرع عليه القرآن والحديث والمواعظ فلا يقبل شيئا تتلو الآيات والأدلة والبراهين فلا يستجيب لماذا؟ لأن قلبه انتكس ثمرة لانتكاسه الأساسي إلى أن وصل به إلى هذه المرحلة السوداء المظلمة والمهلكة والعياذ بالله لشيخ dit donc que soit que c'est son cœur qui va devenir pur et blanc et aucune fitna ne pourra le nuire. Ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a raffermé sur sa religion, lui a donné la fermeté, et donc il a rejeté, parce que à chaque fois qu'il y avait quelque chose de faux qui s'est présenté à lui, il l'a repoussé. Chaque fois qu'il y a quelque chose de d'égarement et de passion qui sont venus vers lui, il l'a rejeté. Et il a refusé toutes les shubuhat et toutes les shahawat, son cœur est resté propre, son cœur est resté pur. Et il n'y a aucune fitna qui peut lui nuire. Et le cheikh dit que la fitna, elle peut être dans la dunya aussi, et elle peut être dans la religion. C'est pas seulement dans la religion, il peut y avoir des fitnes dans la dunya aussi, comme les shahawat, les désirs, et qui peuvent t'amener à ta perte. Et également la fitna des shubuhat dans les innovations, les égarements, et tout ce qui peut amener du tort, et qui peut amener quelqu'un dans le mal, et c'est pour ça que dans le hadith il y a la mention de l'autre cœur, c'est-à-dire le cœur qui devient complètement noir, comme le verre qui est renversé, hein, il ne peut plus reconnaître le bien ni le mal. Tout est à l'envers dans sa tête, et il y a des gens comme ça aujourd'hui, al-iyadu billah, parmi les musulmans, il ne peut même plus distinguer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans la société, et dans ce qui est autour de lui. Il voit, tu lui montres des choses, tu dis, regarde qu'est-ce que des gens ont fait. Il dit, mais il n'y a rien, c'est normal. A'udhu billah. Son cœur est complètement renversé. Il ne peut plus distinguer entre le halal et le haram. Hein? Et donc ça, c'est, ça commence au début en, dans le fait de pencher vers les gens qui sont dans le batil, qui sont dans le faux, et le fait de leur venir en aide. Ça commence par un petit point noir, et puis tu commences à pencher petit à petit vers les gens qui sont dans le mensonge et dans le faux, et tu restes avec eux, les gens qui amènent, qui suivent le mensonge et qui égarent les gens, tu restes avec eux, et donc ton cœur se renverse. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous protège d'une chose pareille, et le cœur il devient comme un verre à l'envers, hein, même si tu renverses toute l'eau du monde pour essayer de remplir le verre, il ne va jamais se remplir, il n'y a même pas une goutte d'eau qui va rentrer dedans, parce qu'il est complètement renversé. Et c'est l'exemple que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné de ce cœur qui a accepté yani la fitna et qui s'est égaré. Le cheikh il dit, tu lui récites des versets de Coran à la personne dont le cœur est comme ça, tu lui récites des versets de Coran, tu lui récites des hadiths, tu lui donnes des exhortations, il n'accepte rien. Tu lui donnes les ayats, tu lui donnes les preuves, il ne répond pas. Hein, pourquoi? Et le cheikh il dit parce que son cœur a été mis à l'envers. Hein, il a mis tout à l'envers. Et il a tellement été à l'envers, il est arrivé au point où il a atteint ce stade où son cœur est complètement noir, complètement rempli de ténèbres. Hein, que Allah nous protège d'une chose pareille. Et donc le cheikh dit فَيُصْبِحُ لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ هَذَا ثَمَرَةٌ لِلزَّيْغِ وَالْإِنْتِكَاسِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَحْذَرَ مِنْهُ الْمُسْلِمُ وَأَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مِنْ لَحَظَاتِهِ أَنْ يُثَبِّتَ قَلْبَهُ عَلَى دِينِهِ الْحَقِّ وَهُنَاكَ أَمْثِلَةٌ لِلثَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ. Donc on va, le cheikh il dit, et donc il arrive jusqu'au point où il ne reconnaît plus le bien, il ne peut plus dénoncer qu'est-ce qui est munkar, et il ne peut plus reconnaître qu'est-ce qui est ma'rouf, et donc il suit uniquement ce qui est en accord avec sa passion. Et ça c'est le fruit du fait de rentrer dans la déviation, et yani, donc le croyant il doit faire attention à son cœur, et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant de nous raffermir notre cœur sur sa religion. Amin. Donc on va s'arrêter ici pour maintenant, inshallah, et à la prochaine conférence on va continuer avec des exemples de la part des sahaba et de la part des salihin qui nous donnent, le cheikh nous donne des exemples de tabac à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc on va voir et on va comprendre un peu mieux ce sujet inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.